voix, qu'on a quelque chose qui de la vie de tous les spécialistes à travers tout le monde est la première chose du monde. C'est indiscutable, encore plus indiscutable que par conséquent, il est bien évident que, d'autant plus que, d'autre part... Vous voulez pas fermer la porte. Vous voulez pas fermer les fenêtres. Ben, si on n'entend rien. Vous n'entendez rien. Et comme ça. Voilà. La philosophie est menacée de mort, le danger est extrême, nous n'avons pas de temps à perdre. C'est pourquoi je regrette déjà de vous en faire perdre. D'ailleurs, pourquoi perdre son temps à justifier la philosophie devant... La définition intéressante du néolibéralisme, ce n'est pas du tout la libre concurrence, c'est une forme d'économie administrée. Où l'État, au lieu de se mettre... Bonjour à l'écoute de Radio Panique pour cette nouvelle émission de Plein la tête pour pas un rond. Aujourd'hui, une visite de Bruxelles coloniale. Deuxième partie. Tant que les lions n'auront pas leur compteur, les récits de chasse seront toujours à la gloire des chasseurs. Ce proverbe vaut particulièrement pour la colonisation, que les pays conquérants du Nord ont d'autant plus intérêt à oublier ou édulcorer qu'elle trahit des politiques prédatrices encore à l'œuvre aujourd'hui. C'est sans doute pourquoi le collectif Mémoire Coloniale a récemment organisé une visite de la capitale européenne à la recherche des signes, continuant discrètement à célébrer la spoliation d'un des trois plus grands territoires africains. La semaine dernière, l'historien Lucas Catherine nous a conduit tout autour du Palais Royal, dans les rues de Namur, Thérésienne et Brederode, à décrypter la façade des anciennes firmes exploitant l'ivoire, le cuivre, le caoutchouc, le cacao du Congo. Aujourd'hui, nous continuons un peu dans le quartier royal et dans le parc du Cinquantenaire. Nous sommes toujours le 14 septembre 2008 et nous parlons de Matongé. Il faut peut-être parler de Matongé, on ne va pas y aller, tout le monde connaît Matongé, mais ce qui est peut-être moins connu, c'est que Matongé a commencé comme un quartier colonial. Donc il y avait le premier cercle colonial là où on a commencé, hein, la taverne du Globe. En 1912, il y a l'Union royale coloniale belge qui s'est établie à la rue de Stasser. Et même maintenant encore, il y a encore une petite dizaine d'organisations d'anciens coloniaux qui ont leur bureau ou leur siège dans cette rue de Stasser, tous sur la même adresse, le numéro 20, je crois. Mais donc, comment c'est devenu un quartier colonial? Donc, il faut s'imaginer que le boulevard ici, il a été fait pour l'exposition de 58. Avant, ce boulevard-ci, c'était comme l'avenue de Tervuren, c'est-à-dire beaucoup de gazon, beaucoup d'arbres. Et qu'est-ce qui se passait? Donc les gens qui devaient faire les formalités là, dans les bureaux des compagnies ou dans les organismes qui géraient la colonisation, et ils voulaient boire quelque chose, donc ils passaient de l'autre côté de cette avenue, les premiers cafés. C'est comme ça que ça a commencé. Et par exemple aussi, le premier café colonial, au début des années 1950, c'était l'Union des femmes coloniales qui l'a ouvert. Et donc c'est seulement après l'indépendance que les Congolais ont repris le quartier. Et c'est là alors aussi que le nom de Matongé est apparu. Avant, il n'y avait pas ce nom-là. Ce n'est pas par hasard que c'est ici une concentration maintenant de Congolais, parce que c'était un quartier colonial, et c'était colonial parce que tous les centres de décision étaient ici, et c'était une jolie espace verte. C'était joli pour se promener et pour aller boire quelque chose. On va maintenant aller vers le parc. Léopold II n'a pas réussi à convaincre le gouvernement et l'opinion publique belge de doter le royaume d'une colonie jugée trop coûteuse. C'est pourquoi le Congo est conquis par le roi à titre privé grâce à des fondations philanthropiques et scientifiques comme l'Association internationale africaine, qui drainera de gros financements privés et des emprunts à l'État belge vers la constitution d'expéditions d'exploration en Afrique centrale, puis d'une armée de conquête. Comme le note Joseph Conrad dans son livre fameux « Au cœur des ténèbres » datant de 1899, la conquête de la terre qui consiste essentiellement à la prendre à ceux dont la peau est d'une couleur différente de la nôtre et le nez légèrement plus épaté n'est pas bien jolie si l'on y regarde d'un peu près. Elle ne peut se racheter que par une idée. Cette idée, pour le Congo léopoldien, c'est la conférence de Berlin qui l'édicte en 1884. Les grandes nations européennes, réunis là, permettent à Léopold II de conquérir le Congo, à la condition que ce soit pour y apporter la civilisation et y abolir l'esclavage pratiqué dans la région par les Bantous de Zanzibar. Mais en vérité, cet alibi humanitaire ne résistera pas bien longtemps à la véritable motivation de la conquête qui est économique. Les populations du Congo sont forcées au travail, esclavagisées, là encore, dans des conditions extrêmement dures par le régime colonial, qui tire d'énormes profits de l'ivoire puis du caoutchouc et des mines de l'est du pays, sans que celui-ci n'en retire aucun bien. Ici, on change de période. Tout ce qu'on a vu là, c'était presque la période Léopold II. Ici, on traverse après 1908, quand la Belgique a repris. Mais juste avant ça, il y a quelque chose d'important qui s'était passé. Donc, on sait qu'il y avait pas mal de critiques sur Léopold II. Et parce que vraiment, il ne colonisait pas comme les autres. C'était vraiment le pillage systématique et la terreur. Et donc, il y avait pas mal de critiques. Ça a commencé en Allemagne, puis les Anglais. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est adapté un petit peu au nouveau mode de colonisation. Il a décidé de fonder quelques grandes firmes qui devaient faire la colonisation. Qui faisait ces firmes? Eh bien, c'était la Société Générale. Et quelle était la Société Générale à ce moment-là? Eh bien, la Société Générale, elle a été fondée par le roi Guillaume I, quand on était ensemble avec la Hollande, de l'Algemene Maatschappij. Donc, et ça appartenait en fait, en grosse partie, à la famille royale. Donc, la famille royale et Léopoldin étaient un des plus grands actionnaires de la Société Générale. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait l'Union Minière du Haut-Katanga, pour faire tout ce qui est cuivre, étain et tout ça, comme on a vu au Katanga. Puis la Forminière aussi, qui faisait les diamants et autres, et forminière, c'est aussi forêt et minière, hein. Ça vient donc aussi le bois tropical. Et quelle était la participation? Eh bien, un petit peu plus que la moitié de la participation appartenait à la Société Générale, donc en fait à lui. Et l'autre partie, il cédait à des compagnies français, anglais et américains. Et qu'est-ce qu'on a vu? Il n'y avait plus de critiques sur Léopold II, parce que maintenant, ces puissances pouvaient aussi profiter de la colonisation. Et donc, au moment quand il a fait ses firmes, c'est juste avant la cessation à la Belgique, donc il a fait ça. Et donc, après ça, donc, tous les centres de décision sont venus ici, côté du parc, hein, donc la Société Générale qui occupait toute l'avenue, là, hein, la rue Royale, là. Et de ce côté-ci, je vais en parler seulement de deux. Et pour la dernière, il faut faire attention, ceux qui ont une caméra, parce que ça se trouve juste à côté de l'ambassade américaine et on vient vous confisquer votre caméra si vous filmez là. Donc on va passer par là. Je vais déjà donner l'explication pour le premier. Donc il a ici la première rue, c'est la rue Montoyer, où il y a maintenant aussi la maison officielle du Premier ministre. Hein, donc... le terme est là, Verhofstadt était là devant, c'est juste à côté. Mais la rue Montoyer était connue parce qu'il y avait là les huileries du Congo. Et les huileries du Congo, c'était très important. Donc c'était une compagnie belgo-anglaise qui a été faite juste après que la Belgique a repris ça. Et peut-être vous vous rappelez un certain produit. C'est une toute petite illustration que j'ai là, mais c'est le savon Sunlight. Sunlight, comme on disait en bruxellois. Et donc, ce savon, on utilisait pour tout. Sunlight, c'est une marque de... Sunlight, savon. Non, mais c'était ici, donc les huileries du Congo. Donc, c'était une société belge, mais le grand participant était ce qu'on appelait en bruxellois un baron de savon. C'était un monsieur Lever. Et Lever, c'est celui qui amène, non, un anglais, qui a commencé dans le port de. Qui a commencé dans un petit port qui s'appelle en Angleterre Sunlight. C'est comme ça que le savon s'appelait Sunlight. Mais en fait, c'était une compagnie belge et c'était donc tout le savon était fait avec l'huile de palme qui venait du Congo. Donc c'était vraiment notre savon à nous. C'est pour ça qu'on utilisait ça pour tout. Ma mère pour laver le linge, pour me laver quand j'étais petit. Allez, ça servait à tout. Et donc maintenant encore, on trouve dans les rayons des grands magasins le Sunlight. Mais c'est encore des actions maintenant. Non, je crois pas, parce que Lever, c'est devenu Unilever. Hein. C'est encore le grand concombre. C'est pour ça aussi que je raconte cette firme-là, parce qu'elle continue encore. Mais elle a commencé donc aussi à faire des grandes fortunes avec toute l'huile de palme du Congo. Et le reste, je vais donc raconter quand on est à peu près à l'ambassade américaine, là à droite. Unilever, multinationale de l'agroalimentaire, qui prospère encore sur l'exploitation de l'huile de palme, est donc née là, entre Bruxelles et la ville de Lusango, en RDC, qui à l'époque s'appelait Lever, du nom de William Lever, ce savonnier anglais, qui avait donc créé plusieurs filiales, profitant du travail forcé et des champs de palme congolais. La SEDEC notamment, qui vendait des biens de consommation aux Congolais, ruinant ainsi le commerce local. Lever fait partie de ces entreprises qui vont fleurir après la cession du Congo à la Belgique en 1908, une fois les intérêts de la royauté retranchés derrière la Société Générale, futur Fortis, principal actionnaire des puissantes Union Minière du Haut-Katanga et Forminière, qui exploitent cuivre et diamants dans la province du Kivu et au Katanga. Une ère nouvelle semble donc s'ouvrir pour le Congo, désormais doté d'une forme de constitution. On semble renouer avec la vocation initiale, humanitaire, de la colonisation. Et Émile van der Velde, dirigeant socialiste, donne de la voix contre le Congo de Léopold II et parle de colonisation sociale, au nom de laquelle il défend également le projet sioniste. Désormais coloniser voudra dire élever le niveau de vie des populations locales, donner de l'emploi à la jeunesse. Et pourtant, van der Velde siège au conseil d'entreprise de Lever, qui continue de pratiquer le travail forcé. Il est vrai qu'il avait déclaré à la Chambre: le jour où M. Lever apparaîtra au Congo, apportera grand avantage pour les indigènes. Retour dans le quartier du Palais Royal, au coin de la rue du Duc et de la rue Zinner, où nous guide l'historien Lucas Catherine et où Pauline du collectif Mémoire Coloniale nous montre les plaques de rappel à l'histoire que les membres du collectif ont décidé d'ajouter aux monuments coloniaux bruxellois pour le centenaire de la cession du Congo léopoldien à la Belgique de 1908. Il y a écrit quoi sur les pancartes? Bon, problème, il y a écrit Forminière, compagnie d'exploitation minière du Congo belge, extraction des diamants et de leur kasaï, grâce au travail forcé. En fait, on va les mettre sur l'ancien siège de l'Union minière du Haut-Katanga et l'autre sur l'ancien siège de Forminière. C'est pour informer, enfin contre-informer les gens qui passent devant. Attention avec les caméras donc, parce que ça c'est l'ambassade américaine et donc ils n'aiment pas tellement qu'on prend des photographies. C'est pas pour l'ambassade qu'on est là, mais comme j'ai dit donc il y avait ici dans la rue pas mal de la rue du Cal, pas mal de quartiers généraux, et ici c'était le quartier général, très important. C'était Empin qui est connu pas seulement pour ce qu'il a fait au Congo, et c'est lui aussi qui a fait le métro à Paris, qui a fait Héliopolis en Égypte, qui a fait le premier métro en Égypte. Allez, il a fait beaucoup de choses. C'est un fils d'instituteur du Hainaut, donc ce n'est pas un Français. Les Empins maintenant sont devenus Français, mais c'est une famille belge d'origine. Qu'est-ce qu'il a fait au Congo ? Au Congo, il a construit le chemin de fer à l'est du Congo, donc qui ont été faits après qu'on a fait les premiers chemins de fer à l'ouest. Donc lui, il a fait ça. En compensation, il a reçu des grandes quantités de terrain, plusieurs fois plus grands que la Belgique, dont les rapports aussi lui ont rapporté. C'est lui aussi qui a construit la ville de Goma, au lac Kivu, qui servait en tant que ville de villégiature pour les Belges coloniaux quand ils ne pouvaient pas rentrer en Belgique. Ils allaient prendre leurs vacances à Goma, dans tout le luxe, regardant les orchidées et les gorilles, et manger et boire bien. Et pourquoi Goma ? Goma, c'était le climat idéal pour un Belge. C'était hiver et été, 21 degrés la nuit et pendant la journée, donc c'était à peu près la même température, pas trop chaud et jamais du froid. Donc, mais c'est lui, Goma, qui est maintenant en grande partie détruit, entre autres parce qu'il y a un volcan là et aussi avec les guerres qui sont là. Empin aussi, c'était le fondateur de l'industrie wallonne. C'est le père des ASEC, donc la grande compagnie de l'industrie wallonne. Et ça raconte beaucoup sur la Belgique. Maintenant, la maison appartient à un groupe d'industriels flamands qui ont un club de Warande. Et c'est eux qui sont vraiment les gens qui veulent scinder la Belgique et qui font tous les calculs pour voir le bénéfice que la Flandre pouvait tenir de cette partition de la Belgique. Donc c'est eux qui sont là, du groupe de Warande, parce qu'en irlandais, le parc royal, ça s'appelle de Warande. Donc c'est le parc Koninklijk Park, donc, et ils sont ici, donc, mais comme ça on voit comment ça peut changer. Donc c'était le père de l'industrie wallonne, maintenant c'est l'extrême droite des patrons flamands qui sont là, très important, hein, pas comme l'extrême droite politique, vraiment sur le plan économique, ce sont tous les grands patrons qui sont là-dedans, et des médias, entre autres les directeurs de la télévision flamande appartiennent aussi à ce club-là. C'est un club très, comme le Cercle Gaulois et tout ça, côté francophone, côté flamand, c'est ça. Maintenant, on va traverser vers la Société Générale, les vrais grands exploiteurs du Congo. Il n'y a pas qu'en France qu'on fait croire que l'extrême droite est le fait de classes populaires incultes. La Belgique aussi a ses nostalgies, ses secrets de famille, ses cadavres dans les placards. Oui, mais va-t-on me dire, la Belgique n'est pas la France, qui garde encore aujourd'hui une poigne de fer sur ses anciennes colonies à travers le réseau de la fameuse France-Afrique. Que reste-t-il des intérêts belges au Congo ? La Chine ne ferait-elle pas un de ces jours regretter la Belgique aux Congolais ? Écoutez l'avis de deux visiteurs devisant à ce propos, le 14 septembre 2008. Quand le Congo est devenu colonie belge, les finances ont continué à être séparées, et quand en 1960, on n'a pas su le faire en 60, parce qu'il y a eu les bagarres avec la mort de Lumumba, etc. Mais en 64, Tshombe est Premier ministre, on lui a remis ce qu'on appelait le portefeuille qui contenait toutes les actions et privilégiées de toutes ces sociétés. Et il les a reçues, le Congo les a reçues dans son patrimoine. Et maintenant, qu'est-ce qu'il en reste ? Rien du tout. Et ce sont les Chinois qui sont en train de piller le Congo. Et qu'est-ce que les Congolais en retirent ? Rien. Rien, rien, rien. Un travailleur de l'Union minière était logé, nourri, soigné, et ses enfants allaient à l'école gratuitement. Et maintenant, les petits creuseurs, qu'est-ce qu'ils reçoivent ? Peut-être 1 euro par jour, avec la galerie qui s'effondre sur leur tête. Et personne pour les soigner. Alors, est-ce que vous croyez qu'ils ont fait une bonne affaire ? Les Congolais ont toujours été la dupe, le dupin. Ah ben oui, mais soyons logiques, ça ici, il faut le dire. Oui, mais avant les Chinois, il y a Forest, hein. Forest donne le salaire régulier à ses travailleurs, Forest donne du logement à ses travailleurs. Moi, je connais des Congolais qui sont sortis de l'IAG ici. Engagé par Forest, oui. des Congolais, des Belges d'origine congolaise, oui, qui sont allés là-bas sans contrat, qui devaient payer leurs cotisations sociales ici. Mais les Belges de souche qui sont engagés, ils ont le contrat comme salariés. Ah oui, ça c'est possible. Ah bon. C'est possible. Ça c'est la réalité de Forest. C'est possible. Mais cette chose-là, avant l'indépendance, n'existait pas. Tout le monde était sur le même pied, oui, du point de vue soit. Bon, donc tout le monde ça allait à l'hôpital gratuit. Tout le monde recevait des médicaments gratuits. Mais alors, le problème des Chinois n'est pas un problème particulier. Ça, c'est une situation. Ça, nous verrons dans 10 ans. Non, mais on en parle trop, Mais le Congo, ou tous les pays africains, ça fait 50 ans qu'ils bénéficient de l'aide au développement. On ne voit aucun pays qui est sorti du sous-développement. On ne voit pas la trace de tous ces investissements. Ah ben on oui, ne voit que les dettes. Qui a envoyé cet argent et comment? Bon, mais qui a envoyé cet argent? Écoutez, j'ai un fils. Vous savez très bien. J'ai un fils qui est au Rwanda depuis 6 ans. Oui. Il s'occupe de développement, de la remise sur pied de l'enseignement technique. Oui. Eh bien, je vous jure qu'il y a des écoles techniques qui sont sorties de terre. Bon, mais en tout cas, c'est qu'on constate. Et c'est un Belge et c'est de l'argent belge. Ce qu'on constate, voilà, avec la présence des Chinois, c'est qu'il y a des choses qui émergent du sol. Mais on l'a promis. Pas seulement au Congo, hein. Il faut aller en Afrique francophone, au Gabon, au Sénégal. On se focalise sur le cas du Congo, ce n'est pas le seul pays. Non, ils sont au Gabon aussi. Là, on voit le fruit de la coopération chinoise, mais le fruit de la coopération des pays occidentaux depuis 50 ans. Vous y avez été? Il y a un livre qui est sorti, Chine-Afrique, allez le lire. Ah oui, ça m'intéresse. Allez le lire. C'est édité par qui? Bon, c'est sorti en France, il y a deux journalistes suisses qui sont allés. Vous ne savez pas J'ai entendu ça à la radio. Ah. Le titre du livre, c'est Chine-Afrique. Chine-Afrique. Oui, deux journalistes suisses qui sont allés en Chine pour voir d'où viennent ces Chinois. Selon le livre dont il est question ici, La Chine-Afrique, Pékin à la conquête du continent noir de Paolo Woods, 9000 entreprises chinoises sont établies sur le sol africain, et en 2007, la Chine a pris la place de la France comme second plus gros partenaire commercial du continent. La RDC a durant cette année signé avec 5 firmes chinoises pour des contrats d'exploitation d'une durée de 30 ans, des mines autrefois exploitées par la Gécomine, qui a été morcelée sur l'impulsion de la Banque mondiale. Les Congolais voient une fois de plus les ressources immenses de leur pays profiter à l'étranger. Et de même que la puissance coloniale faisait autrefois litière des vœux pieux de la conférence de Berlin, l'État congolais semble aujourd'hui totalement ignorer la déclaration sur le droit au développement de 1986 qui stipule que les États ont le droit et le devoir de formuler des politiques de développement national appropriées ayant pour but l'amélioration constante du bien-être de l'ensemble de la population. C'est ici la Société Générale, et en fait la Société Générale, c'était toute la rue à peu près. Donc par exemple, la Forminière était là, l'Union Minière du Haut-Katanga, c'est le bâtiment qui se prolonge là un petit peu à la montagne du cours. Et donc, il y avait les bureaux de la Société Générale. Maintenant, c'est surtout Fortiche quoi, hein, qui est derrière, qui a repris. La Société Générale a vraiment joué un rôle très prépondérant dans l'économie congolaise. Pour vous donner quelques chiffres, juste avant la grande crise de 1929, la Société Générale contrôlait à peu près 70% de l'économie congolaise. Et l'économie congolaise, donc pour les importations et les exportations belges, 50% des importations et des exportations venaient du Congo. Donc vraiment, le Congo, c'était comme un frère siamois économiquement à la Belgique, parce que donc la moitié de nos importations et exportations se faisaient avec le Congo. Il y a certaines compagnies qui avaient des monopoles, comme par exemple la Forminière, il contrôlait les diamants du Kassai, 61% du marché mondial donc était contrôlé par la forminière. Donc pas les diamants qu'on utilise pour faire des bracelets tout ça ou des bagues, mais donc les diamants industriels. 61% appartenaient donc à la forminière qui s'était là. Il y avait encore très importante la Société Générale avec sa compagnie. Ils contrôlaient aussi l'uranium. Donc, par exemple, les bombes de Hiroshima et de Nagasaki ont été faites avec l'uranium du Congo belge de la mine de Sinkolobwe, qui appartenait à la Société Générale. Comment ça s'était fait? Pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc, quand notre gouvernement en exil, le ministre de l'économie Goethe, il a signé un accord avec les Américains qui leur promettait que... les Américains étaient les seuls qui pouvaient avoir l'uranium belge. Et à ce moment-là, donc, l'uranium belge, ou plutôt l'uranium congolais, était donc le monopole, en fait, du Congo. Les autres mines d'uranium, c'est venu après. Pour vous dire que c'était très important. C'est-à-dire que la Société Générale a eu des problèmes dès qu'on a perdu le Congo, comme on le dit. Pourquoi donc, comme j'ai dit, le Congo était tellement important, il y avait d'autres gens qui pouvaient investir au Congo. Et il y avait un autre phénomène qui s'est produit et qui est beaucoup moins connu, qui est devenu clair seulement après la mort du roi Baudouin, je m'excuse. Et c'est Eskens, le vieux, Gaston Eskens, qui a raconté l'histoire. Il a dit... au moment du discours de Lumumba en 60, Baudouin était tellement fâché qu'il a dit « je veux plus rien avoir avec le Congo ». Il a retiré son capital de la Société Générale et on l'a constaté après sa mort, en 90 je crois, quand il est mort, que donc tout son argent se trouvait dans des investissements américains. Il n'y avait plus rien qui avait à voir avec la Société Générale. Et il paraît que les autres membres de la famille royale ont fait la même chose en 60. Ça, on ne sait pas. Il faut attendre leur mort pour qu'on voit leur héritage éventuellement. Mais le vieux Eskens, il a dit, au moment qu'ils ont fait ça, le front belge a tremblé. Comme ça, on voit que la monarchie est bien belgiciste le 21 juillet, mais dès qu'on touche à son portefeuille, ils deviennent plutôt pro-américains, comme Baudouin l'a montré. Donc, la fin du Congo a été la fin de la Société Générale, un petit peu. Ça a traîné un petit peu, mais il y a eu le raid de Benedetti, puis il y a d'autres qui ont voulu reprendre la Société Générale. Et maintenant, elle est reprise, elle n'est plus belge. Donc elle n'existe plus. Mais donc c'est une compagnie dont un certain spécialiste disait elle a existé avant la Belgique et elle va encore exister après la Belgique. Eh bien, c'est la Belgique qui a gagné parce que la Société Générale n'existe plus. Peut-être est-il bon de le réécouter, ce discours de Patrice Emery Lumumba, qui mit Baudouin en colère et fit trembler le front belge. Nous sommes le 30 juin 1960 à Bruxelles. La République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte, une lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que chacun reçoive la juste rémunération de son travail. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les vœux honorables étaient réservés aux seuls blancs. Nous avons connu que notre fils spolié, au nom des textes prétendument légaux, qui ne faisaient que reconnaître les droits du plus fort. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. accommodante pour les uns, cruelle, inhumaine pour les autres. Nous avons connu les souffrances atroces des relégués pour opinion politique ou croyances religieuses. Exilés dans leur propre patrie, leur sort était vraiment pire que la mort elle-même. Nous avons connu qu'il y avait dans les villes des maisons magnifiques pour les blancs et des paillotes croulantes pour les noirs. Que nous n'étions admis dans les cinémas, ni dans les restaurants, ni dans les magasins européens. Que nous voyageions même la coque de péniche au pied du blanc dans sa cabine de luxe. Qui oubliera enfin les fusillades où périt tant de nos frères. Les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, ni les Congolais dignes de ce nom ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Une lutte de tous les jours, une lutte ardente et idéaliste, une lutte dans laquelle nous n'avons mélangé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Cette lutte qui fit des larmes, des feux et des sangs, nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car ce fut une lutte noble et juste, une lutte indispensable pour mettre fin à l'humilié esclavage qui nous était imposé par la force. Ce qui fit notre sort à 80 ans du régime colonialiste, nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Quand nous avons connu le travail harassant, exigé en échange des salaires qui ne nous permettaient ni de manger à notre faim, ni de nous vêtir pour nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Hommage aux combattants de la liberté nationale. Vive l'indépendance et l'unité africaine. Vive les Congo indépendants et souverains. À l'agression de la Belgique, à la violence du gouvernement belge, nous avons répondu par la non-violence, par notre calme. Notre peuple n'a pas du tout participé à ces incidents. Ce fut une révolte légitime des militaires contre les derniers vestiges du colonialisme. Les Belges nous accordaient l'indépendance. Croyait que cette indépendance ne pouvait signifier autre chose que l'installation d'un gouvernement fantoche qu'il pouvait manœuvrer à leur gré. Ils ont voulu me corrompre, m'acheter. J'ai refusé. L'armée nationale, je peux vous garantir que pour moi, M. Lumumba est un homme fini. Vous pensez donc qu'il n'a plus aucun rôle politique à jouer au Congo? Il est bien là où il est pour le moment, n'est-ce pas, en attendant ont son jugement. Monsieur Patrice Lumumba qui descend, il est vêtu d'une chemisette, il a toujours sa petite barbe, une chemisette assez sale, un pantalon bleu, il a les mains attachées derrière le dos avec une corde, il a l'air assez triste d'ailleurs. C'est la première fois, puis-je dire, que l'on voit M. Lumumba toujours si sûr de lui, toujours si triomphant, être aussi abattu. Je crois que cette fois-ci, il est vraiment très touché par les événements et par cette arrestation. La Belgique a échoué quand un simple Congolais a enterré. Écoutez Radio Panique 105.4 sur la FM, une émission plein la tête pour pas un rond, qui vous propose aujourd'hui une visite de Bruxelles coloniale, guidée par l'historien Lucas Catherine, sur proposition du collectif Mémoire coloniale au pluriel, à l'occasion de la célébration de la cession du Congo à la Belgique par le roi Léopold II en 1908. On se transporte donc du quartier du Palais Royal jusqu'au parc du Cinquantenaire. Le parc du Cinquantenaire, mais le premier monument est déjà à l'entrée. Je vais me mettre comme ça. C'est marqué le général Albertès. C'est très drôle, mais c'est comme ça pour... Vous avez déjà vu qu'il n'y a pas toujours les explications sur le Congo quand il y a un monument qui a à voir avec le Congo. Pourquoi c'est marqué le général Tess? Pendant un an, il a été général pendant la Première Guerre mondiale parce qu'il est mort en 15, donc. Hein. En tant que général, il n'a pas fait... beaucoup de choses. Allez, il a fait peut-être beaucoup de choses, mais c'est pas pour ça qu'il a eu son monument. C'est un monument symbolique, c'est-à-dire qu'il faut savoir le lire. Donc un monument symbolique, on met la personne même dans un médaillon, donc Thèse est là avec sa portrait, et puis on met une allégorie en dessus qui raconte en fait ce qu'il a fait. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Vous voyez à gauche et à droite, il y a les roues avec les ailes. Non, ça c'est le chemin de fer. C'était le chemin de fer belge aussi qui avait encore ça comme un signe. Et donc il a fait des chemins de fer. Et oui, il a fait des chemins de fer. Où est-ce qu'il a fait des chemins de fer? Là, à droite, il y a une femme noire congolaise. Ouais, maintenant, ils sont tous les deux noirs parce que le monument n'est pas entretenu. Mais on voit encore à ses cheveux donc, qu'elle est africaine. Et qu'est-ce qu'elle tient? Une corne d'affluence. Donc, sa fortune, la corne d'affluence, vient du noir, donc qui symbole le Congo. Donc, il a fait fortune au Congo, ça veut dire. Et que ces commerçants, vous voyez aussi la figure avec les petites ailes dans les cheveux et sur la pointe, c'est le symbole du dieu Hermès du commerce, côté donc dans la mythologie grecque. Hein, donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a fait sa fortune au Congo avec les chemins de fer et le commerce. Et c'est ça. Pourquoi on ne le connaît pas? Il a commencé comme, comment on dit ça en français, une sorte de officier adjoint à Léopold II, comme ça. Et puis, c'est lui qui a fondé la première compagnie privée. Donc, quand on était à la rue Braid Road, sa compagnie était du côté droite, et, tandis que Léopold était côté gauche. Pourquoi on l'a oublié un petit peu? Parce que quand il est mort, toutes ses compagnies, sa banque, ses compagnies, ont été absorbées par la Société Générale. Donc depuis les années 20, on ne parle plus de Tess, donc, et c'est comme ça qu'il a un petit peu oublié. Mais il avait même une ville qui portait son nom au Congo, hein, Tessville, Tisville. Et c'est lui qui a fait le chemin de fer, Matadi vers Léopoldville dans le temps. Kinshasa Matadi. Ça c'est pour Tess. Ce qui est marrant aussi, qu'il y a encore un petit musée de lui à Liège, c'est un Liégeois. Il est du quartier d'Alem. Et quand on va à l'école communale de Dahlem, il y a dans le réfectoire quelques vitrines avec des documents sur Tess. Et il faut téléphoner à un ancien colonial, colon, ou bien au maître de l'école pour avoir la permission. Et puis on peut le visiter et donc on peut voir. Donc c'est un tout petit musée. Il y a un musée beaucoup plus grand, mais ce musée-là, il est tout à fait dédié à Tess même. Mais à Namur aussi, il y a encore un musée colonial dans la caserne Léopold, tout à fait géré par des anciens coloniaux. Et qui vaut aussi la peine de visiter. Ce musée est encore plus colonial que celui de Tervuren. Oui. Mais donc, pour vous dire, côté Wallon, il y a encore deux petits musées qui sont presque pas connus. Mais ça, c'est Tess. On va continuer maintenant. À gauche, on va retrouver le plus grand monument sur le Congo qui a été fait par Vinsot, qu'on a déjà rencontré comme celui qui a fait la statue de Léopold II et le fronton du Palais Royal. C'est tout juste à gauche. Monument à ce capitaine d'industrie, Albert Theis, qui emboîtait le pas à Stanley, qui avait déclaré que sans le chemin de fer, le Congo ne valait pas un penny. Il faut savoir qu'il n'est pas le seul à avoir son monument à Bruxelles parmi les acteurs influents de la colonisation du Congo. Si vous passez par le carrefour entre rue Royale et chaussée de Louvain, par exemple, vous verrez la statue d'Henri-Alexis Brialmont. C'est à ce serviteur de la colonisation qui lui avait conseillé de bourrer la presse belge de statistiques sur les profits que France et Angleterre faisaient de leur colonie, que Léopold II déclara peu avant la conquête du Congo, « À Java existe un genre de travail forcé. C'est le seul moyen d'apporter à ces peuples corrompus et fainéants un peu de civilisation et de morale. » Le préjugé selon lequel les Congolais seraient atteints d'une paresse congénitale a perduré jusqu'à la décolonisation. On en trouve encore des traces dans un livre édité par l'Union minière du Haut-Katanga en 1956, où il est question d'une politique de stabilisation définie comme l'emploi de tous les moyens normaux propres à amener le travailleur noir à aimer le travail et à y rester attaché le plus longtemps possible. On voit en tout cas par cette déclaration de Léopold II que dans l'esprit du roi, esclavagiser les noirs congolais et les civiliser n'était en rien contradictoire. C'était tout un. Leur donner le goût supposé inconnu du travail. Retour au parc du cinquantenaire où, à l'entrée à gauche, Lucas Catherine nous présente le monument pour le Congo de Vinsot. Donc ici on se trouve devant le plus grand monument qui existe en Belgique sur la colonisation au Congo. Dans le temps donc ici le bassin était plein d'eau et il y a là la figure symbolique de l'Africain ou du Congolais qui représente avec la crocodile le fleuve Congo, et c'est marqué en bas. En haut, il y a toujours la citation qui sont sur tous les monuments congolais de Léopold II, « J'ai entrepris l'œuvre du Congo dans l'intérêt de la civilisation et pour le bien de la Belgique », dans les deux langues chaque fois. En haut, il y a la femme blanche qui reçoit le bébé de la femme africaine congolaise en gratitude pour ce que toute la Belgique a fait pour le Congo. Il y a encore c'est écrit, mais on peut c'est difficile à lire. Hein. La race noire accueillie par la Belgique, l'autre côté flamand. Et puis il y a encore un plus peu en bas aussi un texte ici en néerlandais, là en français, sur l'œuvre congolais. Et alors on a ici. Donc le monument a été fait par Vinsot, comme j'ai dit, donc le même qui a fait la statue de Léopold II qu'on a vue, et le même qui a fait le fronton du palais. C'était l'artiste préféré de Léopold II. Il y a donc une fresque symbolique avec tous ceux qui ont collaboré à la colonisation, donc les explorateurs, les missionnaires et les autres Belges qui vont vers une figure symbolique avec Barbe Blanche qui symbolise Léopold II. Et puis, il y a deux monuments très militaristes des deux côtés, parce que le Congo, ça c'est, pour contrôler le Congo, Léopold II a dû faire une guerre contre les Arabes de Zanzibar, qui étaient implantés dans l'est du Congo et qui avaient introduit là le langue Swahili, en fait, qui est la langue de Zanzibar. Donc toute la partie orientale qui utilise maintenant encore le Swahili comme lingua franca était contrôlée par les Arabes et eux, ils faisaient le commerce de l'ivoire. Et l'ivoire était vraiment la première ressource, comme j'avais dit déjà, avant le caoutchouc. Et donc, au début, il a essayé de travailler ensemble, mais c'est dégénéré dans une guerre pour le contrôle de l'ivoire. Et là, il y a donc deux statue à côté, donc, qui représente ça. Il y a l'héroïsme militaire belge, la solidarité entre les militaires belges symbolisée par ces deux soldats-là. Mais en fait, ces deux soldats-là, ils portent un nom. C'est Lippens et De Bruyne, ceux qui ont encore eu des cours à l'école sur la colonisation, les connaissent. Lippens, c'est l'officier, c'est le francophone. De Bruyne, c'est le sous-officier, c'est le flamand. Ils ont leur statut à Blankenberg. Et donc, dans cette guerre, je ne vais pas raconter toute leur histoire, mais dans cette guerre contre les Arabes de Zanzibar, ils étaient pris en otage parce qu'ils résidaient en territoire arabe pour gérer le commerce de l'ivoire. Mais dès qu'il y a eu donc la guerre, ils ont été pris en otage. Et côté Swahili arabe, on voulait les échanger contre des prisonniers que la force publique, donc l'armée de l'État indépendant du Congo, avait fait chez eux. Le sous-officier flamand De Bruyne, il venait pour parler avec une force de la force publique le long d'une rivière. On lui disait en flamand, parce qu'ils avaient peur que de l'autre côté on comprenait le français. Pourquoi ? Parce que côté des Zanzibarites, il y avait aussi des Comoriens. Et des Comoriens, les Comores où on parle aussi Swahili, mais qui étaient colonisés déjà par les Français et donc qui comprenaient le français. Donc on utilisait le flamand comme langue secrète comme ça. À plusieurs manières, on a fait ça au Congo, mais soit. Ils disent, saute dans la rivière, tu peux te sauver. Et il a dit, non, je retourne chez mon officier. Ça c'est ici symboliquement, sans les noms, à Blankenberg avec les noms. Et qu'est-ce qui est drôle là-dedans? Parce que quand j'ai écrit le petit bouquin que je tiens toujours en main, là, j'ai fait aussi une sorte d'inventaire de tous les groupes qui ont fait des actions contre des monuments léopoldiens et qui voulaient mettre des pancartes explicatives. Eh bien, à Blankenberg aussi, il y a un groupe comme ça. Et un des gens qui fait partie du groupe est de la famille De Bruyne. Et donc, moi, je m'étais dit, celui qui retourne chez son officier, parce que je sais, j'ai lu la biographie de Lippens, que c'était un homosexuel. Donc, quand il est parti au Congo, il a laissé ses biens chez un copain. Et donc, je me suis dit, peut-être il y avait une amitié qui jouait, et pas seulement la solidarité militaire. Donc, quand j'étais à Blankenberg et je voyais quelqu'un de la famille, je disais, allez, je ne le connaissais pas à ce moment-là tellement bien, donc je n'ai pas utilisé les mots homosexuels. Je dis, tiens, mais c'est quand même bizarre qu'il ne sautait pas et qu'il ne nageait pas. Ah, mais ça, c'est normal, hein. Il dit, c'était un fils de pêcheur et ils ne savent pas nager. On ne les apprend pas à nager parce que quand ils tombent hors bord et quand ils savent nager, on ne sait pas les retirer dans le bateau. Ils vont avoir une mort très lente. Donc comme ça, ils n'apprennent pas à nager. Comme ça, ils ont une mort. Et je dis, là, ma théorie, elle ne cloche pas. Mais après quelques stella et une autre rencontre, j'ai dit, est-ce qu'il peut peut-être ça? Ben oui, il dit, tu ne sais pas ça. C'est connu chez tous les colons. On les appelait même, et alors il utilisait une expression en dialecte, Lippenensenprume, ce qui veut dire qu'ils avaient vraiment une relation sexuelle entre eux. Donc, qu'est-ce qui se fait maintenant? Et c'est pour ça que j'explique cette histoire. Les gens à Blankenberg, où il y a ce monument aussi avec le nom, ils veulent que quand il y a la Gay Parade à Bruxelles et que le mouvement Olébi va déposer une gerbe devant le monument et que ça soit récupéré comme monument pour l'amour et que s'il y a mieux que l'héroïsme militaire. C'est pour ça que j'ai expliqué cette histoire-là. Nous sommes devant le monument à la colonisation du parc du Cinquantenaire, monument qui illustre l'épisode de la guerre qui opposa les troupes de l'État indépendant du Congo et les troupes du négociant esclavagiste Tipo Tip. 100 000 arabo-swahili, probablement des bantous basés à Zanzibar, s'affrontent à 100 000 soldats venus d'Europe en 1884, épisode que le monument résume à l'anéantissement des arabes esclavagistes. Comme vous voyez là, c'est encore la guerre contre... Et il y avait mis l'héroïsme militaire belge anéanti l'arabe esclavagiste. Le belgische militaire Heldenmut verdelgt un arabische slavendrijver. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a la grande mosquée là. Et donc, à un certain moment, il y avait l'ambassadeur saoudien, c'est le saoudien qui contrôle la mosquée. Il y avait le jordanien qui ont fait appel à la Ligue des droits de l'homme et au MREX pour dire est-ce qu'on ne peut pas enlever arabe. Parce qu'en fait, ce n'étaient pas des Arabes, c'était des Swahili zanzibarites, et ce n'étaient pas des vrais Arabes. Donc, il y a eu un jugement. Officiellement, on a retiré le mot arabe, arabis. Mais alors, il y a le Front National et des associations coloniaux qui ont dit, mais ça, c'est du révisionnisme. Il faut remettre le texte. Et c'est eux qui ont remis le texte. Et puis, il y a de nouveau des gens qui allaient à la mosquée, je crois, qui ont pris un petit marteau et qui ont enlevé de nouveau donc, le mot arabe pour dire qu'il y a des monuments contestés. Ah, oui. Mais pour ceux qui font des actions, c'est important parce qu'on utilise toujours comme argument qu'on ne peut pas poser une plaque explicative à côté de ces monuments-là parce qu'alors on change le monument. Et on ne peut pas changer le monument, on dit. Ici, officiellement, la justice belge a changé le texte d'un monument. Donc, comme précédent, pour tous ceux qui font des actions, c'est important parce que là, c'est quelque chose d'officiel. Et c'est vraiment quand même changer le contenu hein, quand on met le mot arabe avec du raison, je suis certain, mais je veux dire, c'est un truc officiel. Donc ça, c'est pour le monument. Alors, on se trouve dans le parc du Cinquantenaire qui a été utilisé en 1897 pour l'exposition universelle. Ici, il y avait la partie exposition universelle et la partie congolaise était à Tervuren. On croit toujours que toute l'exposition universelle était à Tervuren. Non, toute l'exposition universelle était ici et seulement la partie congolaise était à Tervuren. C'est à ce moment-là, donc, le parc du Cinquantenaire, en fait, on l'a commencé pour commémorer le 50e anniversaire de la Belgique, d'où son nom. Mais il n'y avait pas encore ces bâtiments-là. Les bâtiments, on va aller par là, ont été construits comme bâtiments où les pays pouvaient exposer leurs produits et leur culture. Donc c'était ce qui est maintenant à gauche le musée de l'armée et à droite le musée des arts et de l'histoire. Donc c'était des bâtiments d'exposition. Les arcades n'existaient pas encore. Les arcades, quand il fallait fêter le 50e anniversaire et même quand il y a eu cette exposition universelle et même avant il y a eu des fêtes en 85, on a toujours construit des arcades en plâtre et en carton parce qu'il n'y avait pas d'argent pour construire ces arcades. Ces arcades ont été seulement finies en 1905 avec l'argent congolais. Et c'est comme ça qu'il faut plutôt parler quand on parle du parc du Cinquantenaire du 75e année, hein, parce que ça a duré jusqu'en 1905 que ces arcades ont pu être construites. Et c'était avec l'argent du Congo. Le député Van der Velden a même dit au Parlement à ce moment-là, ils ont été construits avec des mains coupées. Comme on est nombreux et que je ne peux pas parler quand on se promène, je vais quand même raconter comment ça s'était fait. Donc, au moment qu'il avait tellement d'argent, il utilisait des hommes de paille qui, soi-disant, étaient aussi donateurs pour construire ces arcades. Mais tout Bruxelles savait que c'était des hommes de paille. Et ça travaillait tellement vite. Donc, on travaillait jour et nuit, même le dimanche, sur plusieurs étages en même temps pour que ce soit fini pour l'anniversaire de 1905. Donc, et la nuit c'était éclairé à l'électricité, ce qui était encore très rare parce qu'en ville c'était encore l'éclairage à gaz. Et donc, et les Bruxellois, le dimanche, ils venaient se promener pour voir ces constructions parce que c'était tellement impressionnant que c'était déjà, allez, on venait voir comment ça se faisait, qu'on pouvait travailler sur plusieurs niveaux, jour et nuit et tout ça. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est un décor en somme, ce parc du cinquantenaire. Décor de la diplomatie internationale en trompe-l'œil, où un roi fait croire qu'il a le soutien du secteur privé pour attirer plus d'investissements. Tout cela n'est certainement pas sans rappeler certaines constructions de fer et de verre que d'autres rois font aujourd'hui construire à Bruxelles dans l'espoir touchant d'y attirer des bureaux de grandes firmes. Pour attirer du capital belge pour aller investir au Congo, il y avait un pavillon égyptien fait, et ça, ce pavillon-là, fait dans le style d'une mosquée. À l'intérieur, il y avait un très grand panorama de 360 degrés comme ça. Ceux qui ont déjà vu la panorama à Waterloo, sur la bataille de Waterloo, c'est à peu près la même chose. Donc, dans le temps, c'était la mode. Comme il n'y avait pas la télé, pas le cinéma, donc on faisait des grandes peintures comme ça qui circulaient de ville en ville. Il y a même un bâtiment au centre-ville aussi qui s'appelle encore maintenant Parking Panorama, où on peut encore voir les rails aussi parce que c'était exposé là. Donc ils ont fait un grand panorama vu sur le Nil qui était là-dedans. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Donc après l'exposition, c'est resté comme ça jusqu'en 67. En 67, au début de l'année, le roi saoudien est venu en Belgique faire des emplettes. Il a été surtout côté Liège, Herstal. Il a acheté pas mal d'armes là. C'était juste avant la guerre au Moyen-Orient. Hein, donc en juin, il y a eu la guerre. Sa visite était ici. Et quand il était ici, et comme il avait tellement acheté, le roi Baudouin a dit, on va lui donner quelque chose. On va lui donner deux choses même. Le pavillon qui est là et le pavillon qui est juste à côté, qui est un pavillon Horta à côté. Donc ils ont dit, vous pouvez avoir ça et faire une mosquée de ça. C'est quand même dans le style mosquée. Donc les Saoudiens ont presque rien changé. Il y a seulement l'entrée là où il y a les petits arcades qui a été mis devant. Mais pour le reste, tout le bâtiment est encore à l'extérieur comme c'était comme pavillon de cette exposition là. L'autre pavillon, il y a eu des problèmes parce que c'est un pavillon Horta. Et là-dedans, il y a une très grande bas-relief de Jeff Lambeau qui s'appelle « Les vies humaines » où il y a pas mal de nudité et dessins et tout ça. Et quand les Saoudiens ont vu ça, ils ont dit « qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ?» Ils ne pouvaient rien faire parce que c'est classé, parce que le bâtiment était un des premiers bâtiments de Horta et Jeff Lambeau, c'était une figure nationale, c'est classé. Donc, ils ne savaient pas, donc ça a été fermé tout le temps. Moi, en tant que Bruxellois, c'est seulement récemment qu'on peut y entrer parce que c'était propriété saoudienne, hein, c'était cessé. Mais là, ils ont fait la mosquée. Et donc, c'est là aussi que, quand il y a eu l'autre guerre au Moyen-Orient en 73, en 74, la Belgique a reconnu l'islam. Eh bien, comme centre de l'islam belge, ils ont reconnu cette mosquée-là, donc, qui était complètement contrôlée par les Saoudiens et est encore contrôlée par les Saoudiens. Donc, un islam très intégriste, tandis que la majorité des musulmans ici, ce sont des Marocains ou des Turcs qui n'ont rien à voir avec ça. Mais soit, c'est la fin pour aujourd'hui. Ici se termine cette visite du Bruxelles colonial guidée par l'historien Lucas Catherine le 14 septembre 2008, à l'occasion du centenaire de la cession du Congo à la Belgique organisée par le collectif Mémoire coloniale. Un texte de Lucas Catherine reprenant les éléments de cette visite est déjà disponible en néerlandais et devrait être édité par les soins du CADTM, le Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, en français. Plus d'informations sur le site du CADTM, où vous pouvez d'ailleurs trouver des photos de cette visite. La prise de son était de Mélodie Imbach, le montage et les notes en bas de page de votre serviteur Patrick Taliercio. À bientôt. La philosophie est menacée de mort, le danger est extrême, nous n'avons pas de temps à perdre. C'est pourquoi je regrette déjà de vous en faire perdre. D'ailleurs, pourquoi perdre son temps à justifier la philosophie La définition intéressante du néolibéralisme, ce n'est pas du tout la libre concurrence, c'est une forme d'économie administrée. Où l'État, au lieu de se mettre au service de certaines fonctions, privilégie d'autres. C'est le procédé qui a été employé par Mussolini, par Franco, par Salazar. Il y avait un négro tout jeune et déjà costaud qui venant de la Martinique entra comme chasseur chez une marchande de fleurs qui avait une jolie boutique. Il eut comme vêtement un costume rouge éclatant. Elle lui dit c'était pas tant. Ça te rend plus joli que le costume de ton pays. Le petit négro répondit. À la Martinique, Martinique, Martinique. Si ça qui chic, si ça qui chic. Pas de veston, de col, de pantalon. Simplement un tout petit caleçon. Et elle a du plaisir, du plaisir, du plaisir. Jamais malade, jamais mourir. Tu enlèves ton caleçon pour dîner le soir. Et tout le monde est en noir. Au bout de quelques jours, il avait le cœur plein d'amour pour sa patronne, Mademoiselle Blanche. N'ayant pas d'espoir, il avait des idées noires qui lui causaient des nuits blanches. Tout en se moquant, elle lui dit, mets des gants blancs, demande ma main à mes parents. Puis à la mairie, tu deviendras mon mari. Il dit en v'là des chichis. À la Martinique, Martinique, Martinique. Si ça qui chic, si ça qui chic. Pas de gants blancs de mairie, ni de parents. Tu me plais, je te plais, tu me prends, je te prends. Il y en a du plaisir, du plaisir, du plaisir. Jamais malade, jamais mourir. Le soir, on s'embrasse sous les palmiers. Ça y est, on est mariés. Le petit négro, pour gagner des Monaco, se mit à faire de la boxe anglaise. Souvent victorieux dans les combats très sérieux, il gagna bientôt de la braise. Devant tant d'ardeur, la jolie marchande de fleurs finit par donner son cœur. Le mariage se fit dans le pays du mari, et le soir des noces, il lui dit. À la Martinique, Martinique, Martinique. Si ça qui chic, si ça qui chic. Je vais acheter car je suis connaisseur du terrain pour m'établir planteur. Il y en a du plaisir, du plaisir, du plaisir. Elle répondit dans un soupir. Vois déjà que tu feras sûrement un planteur épatant.